une trêve. Vos regards brillent dans l'ombre ardente. Chaque souffle devient. Carved in scars, every fire hides the stars. We are riders, skill eternal, and our voices cross the dark. Les vieux à silence, sans un mot. Chaque vibration pèse comme un fardeau. Désir roule dans la chair. Chaque instant devient lumière. Riders kill domine dans la nuit. Sa voix brute qui déconstruit. Il s'élève au cri au creux du feu. Chaque vibration de jouissance. Sous la basse, nos âmes s'élèvent. Chaque passion jamais ne s'achève. Les viewers s'offrent dans la fièvre. Chaque pixel devient lèvre. Le gaming brûle, vous enlace. Chaque désir laisse sa trace. Riders kill parle, vos cœurs se plient. Entre vos mains, la flamme s'écrit. Chaque mot nourrit l'infini. Every fire hides the stars. We are riders, skill eternal, and our voices cross the dark. Dans vos yeux, je me perds encore. Chaque vibration m'appelle plus fort. Le gaming brûle dans vos veines.